Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 14 mai 2021. Voici les grands titres de cette édition. Plus de 2000 personnes ont dormi à la Belle Étoile en zone Rukaramo à cause des inondations. Elles sont venues de Kajaga et Kinyinga et sont rassemblées le long de la clôture de l'aéroport international Melchior Ndadaye. Et le centre médical SOS de Bujumbura a organisé ce vendredi une collecte de sang auprès des jeunes d'au moins 17 ans. Comme l'a déclaré le directeur de ce centre, l'objectif de cette activité est de pouvoir sauver des femmes qui accouchent et les victimes des accidents de roulage. Et le directeur provincial de l'environnement, agriculture et élevage, Angosi, conseille aux agriculteurs de cette province de bien gérer leur récolte de haricots en le conservant dans des greniers communautaires conçus pour ça. Et dans le reste de l'actualité africaine, le Premier ministre ivoirien est en France pour des raisons de santé. Patrick Kachi a été nommé fin mars, 2 semaines après le décès brutal de son prédécesseur Ahmed Bakayoko. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Sauver des vies des femmes qui accouchent et les victimes des accidents routiers, tel est l'objectif de l'opération de collecte de sang organisée ce vendredi par le centre médical SOS de Bujumbura. Docteur Elvis Ndaïsenga, directeur de ce centre, fait savoir qu'être âgé de 17 ans et n'avoir pas de maladies chroniques sont les conditions pour donner du sang. Quant à Jacques Nshimirimana, un des donneurs de sang, déclare qu'il fait ce geste pour sauver la vie des autres. Mireille Kanyang. Débutant cette collecte de sang, Dr Elvis Ndaïzeye, directeur du centre médical SOS de Bujumbura, a indiqué que cette activité vient appuyer ceux qui ont besoin du sang dans différents hôpitaux du pays. C'est une valeur ajoutée surtout pour ceux qui ont dans le besoin de son sang, ceux qui sont en détresse et dans différents hôpitaux. Ici, faut comprendre les mamans dans les différentes maternités, mais aussi les victimes des accidents, que ce soit de la voie publique ou autre forme d'accident, pouvant provoquer une perte de sang. Être âgé de 17 ans et plus, sans maladie chronique, sont certaines des conditions du donneur de sang. Docteur Ndaïzeye appelle ceux qui remplissent ces conditions de poser ce geste. Ce sont des jeunes et personnes adultes à partir de 17 ans qui n'ont pas de contre-indications comme une maladie chronique en général. Les autres contre-indications sont expliquées au cas par cas par les agents de la CNTS au moment de la collecte du sang. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à tout citoyen burundais de faire cette bonne action, puisque on ne sait jamais, tout le monde peut avoir besoin de son sang à n'importe quel moment. Ça peut être un proche ou la personne même en question. Jacques Nshimirimana, un des donneurs de sang, lors de cette activité, précise qu'il a posé ce geste pour sauver la vie des autres. Le don du sang, c'est un don qui est demandé à n'importe qui remplit les conditions pour pouvoir donner le sang à quiconque qui en a besoin. À ce moment-là, c'est un acte vraiment qui montre dans la société qu'on est quand même quelqu'un qui aide les autres. Cette activité de collecte de sang a été organisée par le centre médical SOS de Bujumbura en collaboration avec le centre national de transfusion sanguine dans le but de la célébration de la Journée internationale de l'infirmier, célébrée le 12 mai de chaque année. Merci Mireille Kanyang. Le budget général de l'État prévoit des recettes de plus de 1 000 milliards qui proviendront des impôts et taxes. C'est le ministre des Finances qui l'a déclaré ce vendredi lors de la présentation du projet de la loi des finances exercice 2021-2022 à la Chambre basse du Parlement. Et le directeur provincial de l'environnement, agriculture et élevage conseille aux agriculteurs de la province Ngozi de conserver la récolte dans des hangars construits sur différentes collines au lieu de la garder à la maison où il est souvent gaspillé. Émile Koubguimana le dit au moment où les prix des différentes denrées alimentaires ont sensiblement chuté ces jours-ci. Par exemple, le kilogramme de haricots qui coûtait 1800 francs burundais il y a un mois revient actuellement à 1000 francs burundais. Signe, selon ce responsable, d'une bonne production. Il demande par conséquent à ses agriculteurs de bien gérer cette récolte. Apollinaire Muzakara. Les habitants de la ville d'Ngozi, principalement les tenants des restaurants, saluent la chute des prix des différents produits alimentaires dans différents marchés de cette province. Il donne l'exemple du petit pois qui coûte actuellement 1500 à 1700 francs le kilo contre 4000 voire 5000 d'il y a 2 ou 3 mois. Même chose pour le haricot. Un kilo qui se vendait à 1800 francs il y a 2 mois était à 1000 francs il y a 2 semaines. Dans certains marchés, le haricot nouvellement récolté à cette saison culturelle B coûte même 700 francs le kilo. Le directeur provincial de l'environnement, agriculture et élevage dit qu'une telle chute des prix est observée actuellement sur bon nombre de produits alimentaires dans cette province, sauf la banane. Émile Koubdi-Mahana indique que cette dernière est transportée ces jours-ci en grande quantité vers Bujumbura. La baisse de ces prix des produits de première nécessité est due, selon cette autorité, à une bonne récolte de cette saison culturelle B. Il demande à cet effet à la population de ne pas gaspiller cette récolte vers le marché, mais plutôt de la conserver dans des hangars érigés à cette fin sur différentes collines d'Ongozi. D'Ongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Il est 13h04 à Bujumbura et sur Isanganiro. Parlons maintenant des inondations que connaît la zone de Gatumba, qui n'a pas été épargnée. C'est d'ailleurs comme la zone Rukaramo dont on décrira la situation tout à l'heure. Et je suis en ligne avec Christian Savier qui est à Gatumba. Christian, vous me recevez. D'après l'été, à Gatumba, quelle est la situation ? La situation est vraiment déplorable. Nous avons fait une petite visite pour nous rendre compte de ce qui se passe. Et on a constaté, pour ceux qui connaissent Gatumba, du poteau 1 à 45, on a vu toute une population qui se déplace avec leurs biens sur la tête. On a vu des gens qui sont venus de côté menacés, qui sont chachés à 1 et 2, ici également de Yang 1 et 2, et vers un endroit appelé communément Gaharawe. Il s'agit également d'une zone qui n'a pas encore, qui est encore à l'abri, Kouzo et Warubondo. Alors, d'après les informations qu'on a déjà recueillies sur place, on nous parle des eaux qui menacent la population viennent de la Russie, c'est une rivière qui accumule de l'eau venue des pays limitrophes comme le Congo et le Rwanda. Alors, cette eau amène avec de la boue et cette boue qui est déversée dans la Russie, maintenant cette profondeur habituelle et que ça fait que l'eau flotte, et cette boue dépose de la boue et se déverse sur les rives et avance jusque dans les ménages. Voilà ce qui se passe. On trouve une population vraiment en détresse, se pose une multitude de questions sans réponse, qui ne savent pas, qui ne savent pas quoi, ce qui va se passer dans les heures, ou plutôt dans la soirée. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'eau. Voilà, c'est ça la situation. Oui. Et on a été jusque dans voir le chef de zone de Gatumba parler de cette grande réunion tant attendue qui doit avoir lieu dans les heures à venir. Oui, Christian, vous veniez de le dire, j'allais vous poser la question. Ces eaux proviennent des débordements de la Rusizi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour sauver les victimes ou minimiser les dégâts? Voilà, comme je le disais, c'est le chef de zone Gatumba qui parle qu'il y a une grande réunion qui doit avoir lieu dans les heures qui vont venir. Voilà, qui va réunir l'administration à la base jusqu'au niveau de la province. Il s'agit également des humanitaires qui sont prêts, mais surtout ces chefs de colline des zones les plus touchées. On va trouver une solution, d'après lui, plus ou moins durable et venir en aide à cette population en détresse. Bien, merci Christian. On comprend que jusqu'à présent, ces personnes n'ont pas encore été secourues. Il n'y a pas d'organisation humanitaire qui est déjà sur place. On croise quelques ONG. On n'a pas eu le temps de constater, de nous rendre compte de ce qu'ils sont venus faire. Peut-être qu'ils sont comme nous, de se rendre compte et trouver peut-être des réponses par après. mais ils ne sont pas encore au boulot, ne sont pas encore au travail, ils sont là pour faire le petit constat. Et peut-être qu'avec cette grande réunion, parce que le chef de zone, lui, affirme qu'avec cette réunion, et surtout avec des informations recueillies de part des chefs des collectivités touchées, là, ils auront une situation globale, et avec cette situation globale, il va y avoir des réponses qui vont mener plutôt à résoudre, je dirais, à donner quelques réponses qui pourraient peut-être atténuer la souffrance de famille. On a vu des enfants qui ne vont plus à l'école, on a vu des mamans qui n'ont pas quelque chose à mettre sous la dent ou à proposer à leurs enfants. Vraiment, on est là, mais on comprend que la population souffre énormément. Merci Christian Xavier. Je rappelle que vous étiez en direct depuis la zone de Gatumba. Alors, Omer Ndouayo vient de me rejoindre dans ce studio. Lui, il vient de la zone Rukaramo. Et c'est pour nous décrire la situation là-bas. Et près de 2000 personnes, Omer, ont dormi à la Belle Étoile la nuit de ce jeudi à vendredi. Elles sont le long de la clôture de l'aéroport international Melchior Ndadaye. C'est une route qui mène vers Rukaramo. Et elles ont également été délogées par des inondations dans les quartiers Kinya 1, 2, 3 et 4 de la zone Rukaramo. C'est dans la commune Mutimbuzi. Les administratifs à la base disent les avoir rassemblés à cet endroit qui n'est pas encore touché. Et ils demandent aussi un secours urgent. Omer Ndouayo, vous venez de me rejoindre dans ce studio. Décris-nous la situation aussi. Oui, Jean Bosco, comme tu viens de le dire, ces personnes en situation de perte de domicile s'élèvent à peu près 2000. Parmi eux, des pères et des mères, mais aussi des enfants, indiquent avoir dormi à la Belle Étoile la nuit de ce jeudi. Derrière la clôture de l'aéroport international Melchior Ndadaye, ils sont là sans aide jusqu'à maintenant. Ils déplorent également le manque de lieux d'aisance et craignent d'être attrapés par les maladies des mains sales. Ils demandent au cœur charitable de leur parvenir en aide, précisant qu'ils ont besoin de bâches pour abri, mais aussi de quoi mettre sous la dent. Plaisir Ngenda Kumana, l'une des élus à la base, indique que l'administration à la base s'est empruntée des chantiers en cours de construction qui sont sur le long de la route dite Kugaru-Karamu pour l'abri de ces personnes. Mais de ces sinistrés d'inondation, chaque famille se réserve d'une place de 2 sur 2 mètres sans tenir compte du nombre de ses composants. Selon elle, la situation s'aggrave de temps en temps, ce qui leur devient difficile de trouver une solution favorable. Elle interpelle les autorités habilitées à intervenir à temps. Merci Omer Ndouayo en direct dans ce journal. Isanganiro. Beaucoup d'objets composés de boules de chambre, paquets de cigarettes, petites bouteilles de liqueur, téléphones portables et autres objets ont été saisis par la police au vendredi matin au cours d'une fouille perquisition faite à la prison centrale pour hommes de Ngozi. Le commissaire communal de la police, Alfred Nakarutimana, indique que cette opération vise la recherche du matériel susceptible de perturber la sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur de cette maison de détention. Une fouille pareille y avait été effectuée il y a une semaine. De nombreux objets semblables à ceux d'aujourd'hui ont été également saisis. Une courte pause et c'est pour annoncer l'actualité internationale. Actualité internationale. Le Premier ministre ivoirien est en France pour des raisons de santé. Après un premier séjour médical la semaine dernière en France, Patrick Hachi a été évacué lundi soir 10 mai par un vol spécial. Il doit y effectuer une série d'examens. Rappelons que Patrick Hachi a été nommé Premier ministre fin mars, 2 semaines après le décès brutal de son prédécesseur Ahmed Bakayoko, qui a succombé à un cancer foudroyant à 56 ans. Ahmed Bakayoko avait été évacué puis soigné durant plusieurs semaines à Paris avant d'expirer dans une clinique en Allemagne. En juillet 2020, c'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui était foudroyé par une crise cardiaque à Abidjan, peu après son retour d'un long séjour médical en France. Et hors du continent africain, après avoir annoncé la présence de ses soldats dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a fait marche arrière ce vendredi, évoquant un problème de communication en interne. À l'heure où le bilan de ses frappes dans ce territoire palestinien de cette semaine franchit le seuil des 100 morts. Et l'ancien président brésilien Lula est de retour sur la scène politique et il caracole en tête des sondages. Et cela alors que l'actuel chef de l'État, Jair Bolsonaro, est en difficulté en marge d'une commission d'enquête parlementaire sur sa très polémique politique sanitaire en pleine crise du Covid-19. Voilà, il est 13h13 à Bujumbura et sur Isanganiro. Voici le rappel des titres avant de nous séparer. Plus de 2000 personnes ont dormi à la Belle Étoile en zone Rukaramu à cause des inondations. Une situation humanitaire semblable en zone Gatumba. Et ces personnes de Rukaramu sont venues de Kajaga et Kinyinya et sont rassemblées le long de la clôture de l'aéroport international Melchior Ndadaye. Le centre médical SOS de Bujumbura a organisé ce vendredi une collecte de sang auprès des jeunes d'au moins 17 ans. Comme l'a déclaré le directeur de ce centre, l'objectif de cette activité est de pouvoir sauver des femmes qui accouchent et les victimes des accidents de roulage. Et le directeur provincial de l'environnement, agriculture et élevage conseille aux agriculteurs de la province Ngozi de bien gérer leur récolte de haricots en le conservant dans des greniers communautaires conçus pour ça. Et dans le reste de l'actualité africaine, le premier ministre ivoirien est en France pour des raisons de santé. Patrick Hachi a été nommé fin mars, 2 semaines après le décès brutal de son prédécesseur Ahmed Bakayoko. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en ondes par Toussaint Mitebotsi. Un bon après-midi. Yeah.